Nico Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 26 novembre 2020. Voici les grands titres de cette grande édition. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, est attendu à Libreville, au Gabon, où il participera au 18e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La gestion des médicaments périmés non utilisés dans les ménages reste problématique puisque jetés pour la plupart dans les poubelles. Les experts recommandent de les ramener aux pharmacies. Au sommaire également, la commune Muyinga décide de délocaliser obligatoirement des ménages autour d'un ravin d'une trentaine de mètres de profondeur. Ils doivent quitter dès lundi prochain. L'administrateur communal accepte de payer pour 3 mois le loyer de 3 ménages. Sommet de quitter les lieux. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, participera au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique centrale organisé au Gabon. C'est en date du 27 novembre, c'est demain. Le chef de l'État burundais, accompagné par son épouse, est attendu à Libreville ce jeudi 26 novembre 2020. La non-assistance à matériel scolaire, reprendre l'année déjà réussie, sont certains défis majeurs auxquels les élèves rapatriés font face lors de leur réintégration en milieu scolaire. Ce sont les propos de certains élèves rapatriés qui poursuivent leurs études aux écoles de la commune et province Makamba. Et cela demande à l'État et aux associations luttant pour le bien-être des rapatriés de s'impliquer davantage en appuyant les élèves rapatriés en matériel scolaire. Reportage Jérôme Hakizimana. Il n'y a pas de difficulté parce que... Bukuru Jean a été rapatrié en juillet de cette année en cours en provenance de la République unie de la Tanzanie à l'école lycée Furaha en section scientifique. Avoir de la place à l'école burundaise lui a été facile d'autant plus qu'il avait une bonne moyenne annuelle dans la classe précédente. Il n'y a pas de difficulté parce que j'ai passé mes documents qui me concernent à mon père et il a eu la chance d'arriver là, à la commune, pour me faire enregistrer. Akimana Christabella, qui était finaliste en section langue à l'école Pawatuyu dans le camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, poursuit pour le moment ses études au lycée communal Makamba. Elle signale qu'elle y a été bien accueillie, moyennant une condition de reprendre la seconde langue pour bien se préparer pour l'examen d'état de la classe terminale. Aucune maltraitance de la part de leurs camarades de classe en témoigne Bukuru. On m'a considéré comme autres élèves parce que quand j'arrive ici, j'ai eu la chance d'être les délégués. Il n'y a pas la même considération pour les élèves qui rentrent dans leur pays natal. Dans la section des langues, Guilaneza dit avoir déjà constaté une nuance, surtout qu'en Tanzanie, un accent était mis au cours d'anglais en particulier et au cours d'options en général, ce qui n'est pas le cas pour l'enseignement burundais où tous les cours sont pris en considération. Toutefois, ces élèves rapatriés déplorent n'avoir rien reçu jusqu'à présent à matériel scolaire comme assistance. Que les matériels scolaires, c'est nous-mêmes d'arrêter, acheter. J'aimerais implorer le gouvernement en général de donner aide pour les élèves qui rentrent dans leur pays natal, comme les cahiers, les rates et les choses concernant un élève qui continue à étudier. Il demande à l'État et aux associations qui luttent pour le bien-être des rapatriés de prendre en compte cette question, car Martel et ses élèves, c'est difficile de s'en procurer en tant que rapatrié. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme. Les médicaments périmés et ou non utilisés peuvent être nocifs aussi bien pour la nature que pour l'homme. Céline Quitelier, experte pharmacistante, interpelle les patients à rapporter leurs médicaments périmés ou inutilisés à la pharmacie. Entre-temps, quelques Burundais disent jeter les médicaments périmés dans les poubelles et demandent aux autorités habilitées à leur organiser des séances de sensibilisation en rapport avec la gestion des médicaments inutilisés. Omer Ndouayo. Ces habitants qui indiquent conserver les médicaments sont quelques-uns de la ville de Bujumbura. Ils disent qu'ils conservent les médicaments pour l'usage ultérieur, mais qu'ils jettent ceux qui sont périmés ou expirés dans les poubelles. S'il arrive qu'un médicament ne se termine pas, je conserve le reste dans un endroit sûr, juste pour le réutiliser. Franchement, mes enfants ne se servent jamais des médicaments, car ils ne les aiment pas. Puisqu'on n'a pas de technique pour bien conserver ces médicaments, alors que les dates d'expiration ont pris fin, on doit jeter ce qui reste. Je pense qu'on doit creuser un fossé dans un endroit isolé ou les jeter dans des toilettes, là où les enfants ne peuvent pas y arriver. Je suis consciente qu'on doit garder quelques médicaments à la maison. Par exemple, mon enfant tombe malade surtout pendant la nuit. Alors, je me sers de médicaments que j'ai conservés en rapport avec cette maladie. Je n'ai aucune crainte. On doit d'abord s'informer de la date de péremption. Sinon, le médicament reste en usage. Ces habitants demandent d'être instruits de la gestion des médicaments périmés, non utilisés ou expirés. Les animateurs communautaires sont sur toutes les collines. Ils peuvent enseigner les habitants dans la bonne gestion des médicaments périmés ou non utilisés pour que les enfants en situation de rue ne soient pas exposés en les consommant. Les médecins provinciaux peuvent approcher la population et la sensibiliser dans la gestion des médicaments inutiles. Pour moi, les incinérer est la meilleure façon de les gérer afin d'éviter l'automédication. Il vaudrait mieux consommer les médicaments en totalité et puisque nous n'avons pas d'expérience de gestion, nous ne pouvons pas les conserver. Cela alors que Céline Quetelier, spécialiste et pharmaciste, dans son chapitre concernant la gestion des médicaments périmés ou inutiles, interpelle les patients à rapporter leurs médicaments périmés à la pharmacie. Omer Ndouayo, et ce qui a gêné la mise en place d'une commission chargée de lutter contre la torture il y a 7 ans s'observe encore comme la méconnaissance de son importance. Et c'est ce qui a été dit par un des avocats présents à l'atelier de plaidoyer pour la mise en place de cette commission, un atelier organisé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Le président de la CNIDH appelle les différentes institutions à comprendre que cette commission devrait être mise en place. Arthur Kavaouchi. Minan Salvatore, un des avocats du barreau de Bujumbura, dit que les blocages de mise en place de la Commission nationale indépendante de lutte contre la torture existent encore. Il y a plus de 7 ans, je crois que les obstacles qui étaient là, certains peuvent être les mêmes aujourd'hui, notamment l'autorité compétente qui n'était pas sensibilisée à l'époque. Mais nous pensons en même temps qu'il y a un autre défi qui doit être relevé, un défi lié à l'indépendance. Nous avons beaucoup d'institutions ici au Burundi, beaucoup de commissions qui ont été mises en place, mais qui, dans leur travail, ne sont pas tellement indépendantes. Nous pensons alors que le mécanisme pour la prévention nationale contre la torture sera indépendant. Sinon, ce serait une peine perdue. Au niveau de la justice notamment, nous savons que des fois, l'indépendance manque. Quand on dit « telle personne a été torturée », le juge est réticent de reconnaître que la personne a été torturée, alors même que tous les éléments lui ont été fournis. Au niveau du parquet, il n'est pas très possible souvent de libérer quelqu'un qui a même purgé toute sa peine. Alors, on se pose la question de savoir comment un simple mécanisme ou une simple commission sera totalement indépendante. Quant à Sixte Vini Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, il demande aux différentes institutions de comprendre l'importance de cette commission. La première chose, c'est toujours la sensibilisation. Il faut que les gens, les différentes institutions étatiques ou non étatiques, soient informés de la nécessité de créer ce mécanisme national de prévention contre la torture. La deuxième chose, il faut qu'il y ait un lobbying pour que le plaidoyer arrive dans les institutions habilitées à prendre des décisions visant à la mise en place de ce mécanisme. Et autre chose qu'il faut faire, il faut quand même que les décideurs prennent au sérieux ce besoin de mettre en place un mécanisme national de prévention et qu'ils puissent faciliter ceux qui seront en train de préparer, que ce soit la réglementation, que ce soit même les moyens financiers nécessaires et humains nécessaires. Cette commission nationale indépendante de lutte contre la torture devrait être mise en place en 2014, mais 7 ans viennent de s'écouler sans qu'elle ait vu le jour. Depuis Gitega, Arthur Kavaouchi, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Des droits de l'homme, on passe maintenant aux infrastructures. Les usagers du boulevard du peuple Murundi devant Star Hotel et l'école Sepebu tirent la sonnette d'alarme. Cette route risque de se couper en deux. Selon eux, l'État risque d'engager plus de moyens alors que cela pouvait être évité. C'est le constat de Mireille Kanyang. Le boulevard du peuple Murundi risque d'être coupé d'ici. Le boulevard du peuple Murundi risque d'être coupé d'ici. Devant Star Hotel, en haut de ce ravin s'agrandissant petit à petit vers le boulevard du peuple Murundi, se trouve l'école CEP Bou. En champ de fleurs aménagé, on voit du matériel de la régie des eaux à l'air libre, des racines et des arbres plantés tout autour, certains sont déjà tombés là-dedans. Les effets négatifs de la pluie sur ce boulevard peuvent être nombreux si rien n'est fait dans l'immédiat. Selon une des personnes rencontrées dans un champ de fleurs aménagé à cet endroit, selon lui, des bandits peuvent également s'y cacher et voler. Pour ce conducteur de tricycle, l'urgence s'impose. Ce taximène, lui, estime que la chaussée est menacée et trouve qu'il fallait la protéger avant. Sur le boulevard du peuple Murundi, il y a un ravin qui s'agrandit au jour le jour. Ce ravin est à quelques moins de 2 mètres de l'emprise de la chaussée. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, il y a la chaussée qui est menacée de coupure. Alors qu'on pouvait réparer cet escarpement quand il n'était pas encore tout proche de la route, ça aurait coûté moins cher et la route aurait continué de passer. Sinon, il y a des risques que la route, le boulevard du peuple Murundi, risque d'être coupé d'ici quelques jours. Si du moins il continue à pleuvoir comme on l'observe ces derniers jours. Sur ce, Émile Ndeissaba, directeur général de l'agence routière du Burundi, informe qu'une équipe technique s'est déjà rendue sur terrain pour évaluer les besoins afin que les travaux débutent dans l'urgence. Et on reste dans ce domaine. La commune Muyinga décide de délocaliser obligatoirement des ménages autour d'un ravin d'une trentaine de mètres de profondeur. Depuis 3 ans, des visites de différentes autorités de la République ont eu lieu. L'administrateur communal hausse le ton aujourd'hui et accepte de payer pour 3 mois le loyer de 3 ménages. Sommet de quitter les lieux au plus tard, lundi, en attendant de construire de nouveaux logements sur un site identifié par la commune. Dieudonné Nzeyimana pour les détails. La voix est d'Amédé Misago, administrateur de la commune Muyinga. C'est autour d'un ravin d'une trentaine de mètres de profondeur au quartier Gakashi de la ville de Muyinga. Il vient de fixer les bornes à ne pas dépasser pour ne pas se retrouver dans le fossé. Il annonce l'ordre de déménager pour 3 familles d'ici lundi. Il promet de supporter les frais du loyer pour les 3 familles en attendant qu'ils construisent dans le maison sur un nouveau site. L'appui d'âmes charitables est sollicité. Au total, 8 ménages sont concernés dans l'urgence par le déménagement. Dans le passé, différentes autorités ont visité l'endroit et ont recommandé la délocalisation d'au moins 8 ménages. En 2018, c'était le premier vice-président d'alors. L'an dernier, c'était le ministre de la Sécurité publique. Les habitants du quartier demandent des travaux d'envergure pour protéger aussi la route nationale numéro 6 menacée. Un des chefs de ménage juge d'ailleurs qu'elle est L'État a une responsabilité dans cette situation et devrait supporter les charges liées aux nouvelles constructions. Le ravinement continue étant une conséquence des eaux se déversant à partir des caniveaux de la route nationale numéro 6 aménagée sans souci des aspects environnementaux. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Et les personnes soupçonnées d'avoir trempé dans le détournement des fonds des coopératives sangues de certaines localités de la province Karoussi doivent être sanctionnées le plus vite possible. Cette recommandation a été donnée par le président de l'Assemblée nationale après que le superviseur provincial des activités de ces coopératives ait exposé les défis auxquels font face ces coopératives dans la province de Karoussi dans une réunion avec tous les responsables des coopératives dans la province. Blaise Pascal Kararoumillé. Serge Ndaïsenga, le superviseur des activités des coopératives sangues dans la province Karoussi, fait signaler certains défis qui font obstacle au développement de ces coopératives, indique-t-il. L'honorable Serge Ndaïsenga parle entre autres défis, certaines personnes responsables de ces coopératives qui se sont accaparées des sommes d'argent dans les 10 millions de francs burundais que le gouvernement a donné comme crédit à chaque coopérative. Il signale qu'actuellement, ces gens expliquent qu'ils se seraient donné des crédits mais sans remboursement après une année. Il indique que, par exemple, dans la zone de Rutonganiqua de la commune de Buhiga, les activités des coopératives Sangwe n'ont presque pas commencé suite à ce problème. Il parle aussi du manque de transparence dans la gestion des fonds dans la plupart des coopératives Sangwe. L'honorable Serge Ndaisenga a signalé qu'après avoir remarqué que cet argent a été utilisé en violation de la loi dans certaines contrées de la province, ils ont pu recouvrer 10 250 000, par exemple, dans une seule zone de Buhiga, ce qui est confirmé par Erinda Ikengurutse, le chargé des coopératives Sangwe dans la commune de Buhiga. Celui-ci précise qu'ils sont actuellement en train de voir comment les coopératives Sangwe de la zone Rutonganiqua puissent commencer à fonctionner. L'autre défi relevé par cet ancien député dans cette réunion du président de l'Assemblée nationale avec les responsables des coopératives qui œuvrent dans la province car aussi, c'est le défi lié aux contributions qui ont été données par les membres de ces coopératives. Il indique que des sommes importantes d'argent ne sont pas encore justifiées dans la plupart de ces coopératives et que cela handicape les activités. Sur ces inquiétudes, le président de l'Assemblée nationale demande que les personnes impliquées dans ces détournements des fonds des coopératives et des fonds qui ont été donnés comme des crédits soient sanctionnées et dans les plus brefs délais. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Alors que le conflit fait toujours rage au Tigré, le camp d'Umrakuba au Soudan peine à accueillir les dizaines de milliers de réfugiés qui traversent la frontière éthiopienne. Les installations sanitaires du camp font face à un nombre de patients grandissant, femmes enceintes blessées de guerre comme Alam Kafa, qui a été blessé par un éclat d'obus dans la ville de Dimora. C'est 3 jours de marche en douleur pour fuir les combats. Aujourd'hui, sa jambe infectée, il attend toujours une place dans l'hôpital le plus proche. Aujourd'hui, près de 8000 personnes vivent aujourd'hui dans le camp surpeuplé d'Umrakuba, alors que celui-ci n'était censé en accueillir plus de 5000. Et l'Afrique du Sud a entamé mercredi une période de deuil de 5 jours pour les morts de violences sexistes, de féminicides et du coronavirus. Comme annoncé par le président Cyril Ramaphosa lors de son discours à la Nation le 11 novembre dernier, les drapeaux seront en berne sur divers sites clés du pays. Une campagne nationale de 16 jours contre les violences sexistes actuellement en cours prendra fin le 10 décembre pour la journée des droits de l'homme. Le président Cyril Ramaphosa a également appelé à porter des brassards noirs en mémoire des 21 083 Sud-Africains morts du Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, est attendu avec son épouse à Libreville au Gabon. Il participera au 18e sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et la gestion des médicaments périmés et non utilisés dans les ménages reste problématique puisque jetés pour la plupart dans les poubelles. Les experts recommandent de les ramener aux pharmacies. Et la commune Muyinga décide de délocaliser obligatoirement des ménages autour d'un ravin d'une trentaine de mètres de profondeur. Ils doivent quitter dès lundi et l'administrateur communal qui hausse le ton a accepté de payer pour 3 mois le loyer de 3 ménages sommés de quitter les lieux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un très bon après-midi à tous.